Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Stitch Show, le mai 68 du Québec sur scène. Tu mets ça là, au-dessus du Québec en 68, là, il y a eu une grosse loupe qui est arrivée là, au-dessus du Québec. Bon, on s'est toutes vues grossies à loupe. On a tout entendu notre langue réverbériser plus forte. On s'est vues. Et on s'est entendus en 68. Puis je pense qu'on a commencé à s'aimer. Louise Forestier, qui est très, très bien placée pour témoigner de cet électrochoc que vivront les Québécois en mai-juin 68, quand ils vont enfin se reconnaître et avec fierté sur une scène. Louise Forestier participe à Le Stitch Show, ce spectacle devenu mythique et qui va transformer à jamais le visage culturel du Québec, avec la pièce de Michel Tremblay, Les Belles-Sœurs, créée la même année et dans le même esprit. On était plutôt, comment je vous dirais, le reflet de toute l'effervescence, de la fébrilité qu'il y avait au Québec à ce moment-là. Contestation chez les étudiants. Là, c'est... Et cette jonction qu'il y avait eu entre mai 68, français, la contestation américaine contre l'impérialisme américain, contre la guerre du Vietnam, etc. Nous, grâce à notre situation en Amérique du Nord, nourris des deux côtés, on avait un petit peu fait un amalgame de ces choses-là et on était le résultat de tout le brassage au Québec à ce moment-là. Puis moi, j'arrivais de Californie, puis Paul, il nous faisait une mise en scène qui était là, « OK, là, vous allez avoir des parapluies. Après, vous levez vos chapeaux comme ça. » Puis, tu sais, après, mettons, après avoir vu Janis Joplin et Frank Zappa, il y avait quelque chose qui clochait là-dedans, mettons. Il est parti! Et il est parti, et là, on était comme 3 jours avant la première. Puis là, on a dit, on déstructure. On a déstructuré pas à peu près. Puis là, le jour de la première, on savait pas où qu'on s'en allait du tout. Puis là, Yvon dit, je pense là qu'on est vraiment en route pour une bonne dose d'humilité. Là. On commence l'affaire, puis on improvise. Les gens sont sur le bout de leur banc. Ils sont même plus capables d'applaudir, ils sont sur le cul. Puis finalement, 50 ans plus tard, on en reparle encore. Donc... Bien, merci à vous là, d'avoir apprécié à ce point-là nos folies, quoi, si on peut pas dire mieux. Là. Alors, je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus où je suis rendu. Robert Charlebois, qu'on vient d'entendre dans cet extrait, qui était l'une des têtes d'affiche de Le Stitch Show avec Louise Forestier, Yvon Deschamps, Mouffe, pour revivre ce temps fort de cette renaissance culturelle québécoise de la fin des années 60. Je reçois la journaliste culturelle et amie de l'émission, Marie-Christine Blais. Marie-Christine Blais, bonjour. Bonjour, Jacques. Pour beaucoup de nos auditeurs, même de ceux qui nous écoutent en ce moment, ce spectacle-là, Le Stitch Show, c'est aujourd'hui encore... Si ce n'est pas le plus grand, l'un des plus importants spectacles de l'histoire de la chanson. Oui. Pourquoi? Ben, parce qu'il a marqué vraiment une rupture dans ce qui se faisait jusque-là. On est dans une époque où il y a encore beaucoup de chansons françaises, beaucoup de chansonniers assez sérieux ou des groupes yéyés qui sont là pour danser et faire danser la jeunesse. Quand arrive le Stitch Show, c'est comme si on devenait... réellement nord-américain francophone. Et où tout d'un coup, notre langue, le québécois parlé est sur scène. Ouais. Et ça donne vraiment... Il y a un esprit aussi. Il y a un esprit de liberté qui quand même traverse tout l'Occident à l'époque. Donc, tout d'un coup, ça arrive chez nous et à peu près en même temps que chez les autres aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, on a comme... eu tout d'un coup l'occasion de participer à une espèce de souffle, celui des futurs baby-boomers, mais qui sont si nombreux qu'ils sont enfin une réalité économique, une réalité sociale avec laquelle il faut composer. Des jeunes baby-boomers à l'époque. À l'époque, qui ils sont ont en train 17-18 ans. De refaire le monde. Et rien de moins. Évidemment, ça s'explique. On entendait Charlebois parler du contexte international il y a un instant. Il parle de mai 68, il parle de la guerre du Vietnam. Donc, il y a ce contexte-là mm-hmm. dans lequel, qui est favorable à la naissance d'un spectacle comme l'Hostie de Show en 68. Puis au Québec, Marie-Christine, c'est important de le dire, il y a l'Hostie de Show, mais il y a un autre spectacle. La même année, en 68, dans les deux cas, c'est un grand coup de tonnerre qu'on entend dans le ciel québécois. Cet autre spectacle-là, évidemment, c'est Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Et les deux spectacles, l'Hostie de Show et Les Belles-Sœurs, sont intimement liés. On ne peut plus intimement lier. S'il n'y avait pas eu Les Belles-Sœurs et s'il n'y avait pas eu un problème avec Les Belles-Sœurs, il n'y aurait jamais eu l'Hostie de Show. Je vous raconte la chose. En principe, Les Belles-Sœurs sont supposées être créées au Théâtre de Quatre-Sous. Et elles sont prévues pour le mai 68. Et il se trouve qu'elles sont 15 sur scène. Ça fait beaucoup de cachets. Ouais. Et pour le Théâtre de Quatre-Sous, qui est tout petit en plus, c'est juste pas possible. Le Théâtre de Buissonneau. Le Théâtre de Buissonneau. Et c'est pas possible d'avoir tout ce monde-là, de les payer tout ouais. et tout. Donc, le Rideau Vert va produire Les Belles-Sœurs au mois d'août. Mais entre-temps, il y a un trou ouais. hein, de 3 semaines dans la programmation. Alors, Paul Buissonneau dit à Yvon Deschamps, qui est un peu le gérant, le vendeur de billets et le balayeur du Quatre-Sous, qu'il a co-créé avec Buissonneau, d'ailleurs, quelques années auparavant. Il dit à Yvon Deschamps, as-tu des amis, toi, qui ferais un show, quelque chose? Yvon Deschamps, qui a été gérant de la boîte à Clémence, connaît justement Charlebois et Forestier, qui l'a vu chanter là. Ils appellent, viendriez-vous? Ouais. Et l'histoire, après ça, commence ça, comme ça. Ça commence comme ça. Et Mouffe, qui était la blonde de Charlebois, ouais. Forestier, Mouffe et Charlebois s'étaient connus à l'École nationale de théâtre. Ouais. Eh bien, voilà. C'est parti. Et puis, il y a cette formidable anecdote, puis on ne s'en privera pas. On va entendre l'histoire autour de ce titre, la genèse de ce titre, de ce fameux titre qui fait scandale, évidemment, à l'époque. On écoute sur l'histoire autour du titre Louise Forestier, Paul Buissonneau, Yvon Deschamps. Ils racontent cette anecdote devenue, elle aussi, célèbre au micro de Jean-François Doré à l'émission Café Rimbaud en 1988. D'où il vient, ce titre-là, de l'Hostie de Show? Paul Buissonneau était dans un de ses états. Il avait raison. C'était pas prêt, c'était... Et que c'est lui qui a dit, votre Hostie de Show, vous pouvez vous le fourrer dans le... Et c'est là que Charlebois dit, oh, le beau titre! Ah, c'est ça? Oui! Il y a eu un silence qui m'a fait peur. Parce qu'avant qu'il le dise, j'ai vu l'Hostie de Show au fronton comme annonce. Ah, j'ai dit, non, vous n'allez pas faire ça. Hey, on va se foutre à dos les curés de la paroisse! Et bien, c'est ça qui est arrivé. Et là, Robert trouvait ça bien le fun, parce qu'il disait, oh ben oui, les gens vont téléphoner, vont dire, est-ce qu'on peut avoir des billets pour le CP? Ils ne le diront pas, parce que ça va les gêner. Et d'ailleurs, on n'avait pas le droit de l'écrire dans le journal, on n'avait pas le droit de le dire à la radio. T'sais, c'était tout ça. Au-delà de cette anecdote savoureuse qu'on vient d'entendre, Marie-Christine Blais, le titre L'Hostie de Show, ça dit aussi pas mal sur l'état d'esprit qui règne au Théâtre de Quatre-Sous dans les jours, les Exactement. Semaines. Comment ça se passe, cette création-là? Ben, dans le bordel. Ouais. C'est vraiment... Ils essaient toutes sortes de choses. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ben, c'est-à-dire qu'ils avaient l'idée au départ de faire vraiment plus de sketchs. Puis là, ils se rendent compte que, bon, ben, c'est, ça s'improvise pas tant que ça, des sketchs. Il faut avoir des idées. Là, il y a Yvon Deschamps qui a eu une idée, lui, de faire quelque chose sur les manufactures. Alors, finalement, la première partie va ressembler beaucoup plus à un tour de chant un peu plus classique, si oui. vous voulez, avec Forestier et Charlebois, qui créent là des chansons qu'ils ont déjà un peu chantées, mais qui sont vraiment différentes, oui. comme Lindbergh, par oui. exemple. Et la deuxième partie va être plutôt des sketchs. Mais quand on dit ça, là... C'est ça, puis c'est pas ça. En fait, quand les gens arrivent dans la salle, les musiciens sont déjà sur scène, Charlebois et compagnie aussi. Déjà, ça, c'est nouveau. Ouais. Le décor, c'est une espèce d'échafaudage qui a été fait. Et là, les musiciens grimpent là-dedans. Enfin, il y a un côté un peu bon enfant. À la fois, vous écoutez dans la préparation, dans oui. le travail de préparation, comme dans l'exécution. Exactement. C'est un peu le fouillis, c'est un peu le désordre, c'est un peu le bordel. Des fois, ça marche vraiment bien, l'improvisation. Ouais. Hein, quand tout d'un coup, il y a un souffle, il y a une idée, et c'est ce qu'ils font, en fait. Et tout le spectacle, enfin, toutes les parties de sketch parlent des maternelles, de ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans les usines. Et donc, il y a aussi, là, un côté portrait social ouais. du Québec à ce moment-là, qu'il est important de souligner et auquel le texte d'Yvon Deschamps fait vraiment écho. On va entendre un extrait de ça un peu plus tard, mais les unions que ça donne, ça va être effectivement un gros morceau de l'hostie de show. Tout ce beau monde, enfin, les principales têtes d'affiche, Charlebois, Forestier, Deschamps, Buissonneau qui nous a quittés, mais tout ce monde-là, on les connaît. Mais à l'époque, ils commencent, tous ces jeunes-là. Oui. Ou à peu près, sauf Buissonneau. Buissonneau est déjà connu, établi, ancien compagnon de la chanson, qui vient ici à la faveur d'une tournée avec Édith Piaf, qui reste ici et qui va ouvrir notamment La Roulotte. Oui. Le théâtre ambulant La Roulotte, et puis Le Quatsou, et qui est metteur en scène. Charlebois est déjà connu. Il a déjà gagné des prix pour ses premiers disques, qui sont des disques de chansonnier, avec des titres très poétiques, avec une chanson comme La Boulée, qui est très jolie, mais qui est très chansonnière. Ouais. Louise Forestier commence à être connue aussi parce qu'elle a chanté avec Charlebois, notamment. Et puis tous les deux expérimentent sur scène et ils sont assez intéressants. Mouffe est peut-être moins connue, c'est la plus jeune aussi. Elle est la blonde de Charlebois à l'époque. Elle va bientôt jouer au cinéma, mais pour le moment, c'est vrai qu'elle est peut-être moins connue, mais il y en a d'autres des connus là-dedans. Deschamps, on ne le connaît pas encore. Là. Deschamps, il a été le gérant de la boîte à Clémence, le gérant de ses propres restaurants qui ont fait faillite. Ça ne va pas très bien, ces choses. Mais ce n'est pas encore lui-même le grand humoriste. C'est un batteur jazz. Ouais. Il joue avec André Gagnon. Il a un peu joué à la télévision dans des trucs comme les enquêtes Je bidon. Oh. Mais il n'est pas du tout monologuiste. Du tout. Sauf qu'il commence à écrire et à trouver ça intéressant. Puis avec ses copains, ils échangent des idées. Puis il y a aussi des gens comme Marcel Sabourin, qui est déjà là, qui était le professeur de Charlebois Forestier. Mouffe, qui lui a jamais eu besoin de fumer quoi que ce soit pour être complètement gelé. Alors il écrit des textes incroyables pour Charlebois. Il y a Claude Péloquin qui est un jeune poète, à l'époque complètement rebelle et qui va faire beaucoup de bruit quelques années plus tard en disant « Vous êtes pas tanné de mourir, bande de caves ouais. » qui écrit des chansons comme Lindbergh pour Charlebois. Il y a Gilles Vigneault qui écrit La marche du président, notre grand Gilles Vigneault, qui déjà là sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a Guy Latraverse qui a enfin l'occasion de produire un show complètement débile, alors qu'il était plutôt l'impresario de Claude Léveillé à l'époque. Il y a plein de gens comme ça qui vont se trouver à être par hasard au bon endroit, au bon moment, pour donner un spectacle inimitable et sans doute qu'on ne peut pas d'ailleurs refaire. Donner une impulsion à cette scène culturelle québécoise. Une explosion. Qui vont continuer de construire pendant les décennies qui vont suivre. C'est ça qui est formidable. On a un petit peu évoqué à quoi ça pouvait ressembler, cette espèce de désordre sur scène. Je propose d'écouter en fait quelques-unes de ces têtes d'affiche, en parler de c'est quoi cette espèce de bibitte d'ovni, le Stitch Show. Yvon Deschamps, Robert Charlebois et Louise Forestier qui en parlent à Bernard de Rome à l'émission Aujourd'hui, le 27 juin 1968. On avait quelque chose à dire, je pense, le groupe ensemble. Ouais, ouais. Puis on a dit, c'est ça qu'on dit, puis on le dit de cette façon-là. Qu'est-ce que vous aviez à dire? Pas mal d'affaires. On avait à dire, par exemple, qu'est-ce que c'est les... D'ailleurs, le thème central de ça, c'est que c'est Robert qui a eu l'idée de prendre une chanson, de dire, on va faire un thème musical, là, puis on va essayer de faire une chanson qui dure 45 minutes. Alors là, on a pris des thèmes. Non, mais c'est vrai, par exemple, les unions que ça donne rien. Mais tu sais, une union à shop, on n'a pas. Ça fait 15 ans que je travaille à shop, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas d'union. Qu'est-ce que ça donne? N'empêche pas que depuis l'année passée, on a la semaine de 54 heures. On a notre Noël puis notre jour de l'an de congé. Puis l'été, on a une semaine de vacances payée. On n'en prend pas toujours, mais on l'a pareil. Hey, puis moi, va me chercher des payes de 102, 103. Déjà, là, avec l'overtime, là, je t'ai me chargé 116. Pas clair. Un extrait qui nous donne une bonne idée, Marie-Christine Blais, de ce que c'est, le Stitch Show, finalement. Exactement. Ça parle de nous. Oui. Ça parle de la situation à l'époque. Et cet extrait-là qu'on entend, qui donc sent les musiciens, parce qu'il y avait aussi le quatuor du Nouveau Jazz Libre qui accompagnait tout ça. Donc, il faut voir ça aussi. Hein. C'est des musiciens qui sont habitués à improviser. Alors, eux, ils sont sur scène, puis c'est ça qu'ils font. Et ça va impressionner, ça. Il y a des gens, en préparant l'émission, je n'ai pas pu retenir tous les extraits, mais il y a un témoignage d'une dame, d'une mère de famille, de Laval des Rapides, raconte Charles Lebois, Forestier et compagnie, qui est très touchée par ça, par cette musique, ce jazz libre qu'elle entend. Tout à fait, qu'elle entend. Et puis, en plus, les musiciens avaient fait un effort. Comme il y avait des chansons assez structurées, ils avaient accepté, parce qu'ils étaient les musiciens de Charles Lebois, de respecter un petit peu la mélodie, la structure. Puis après ça, ils s'en allaient puis ils improvisaient. Alors, ça aussi, c'était tout d'un coup des gens qui ne connaissent pas nécessairement le jazz, qui sont leurs oreilles sont mises en contact avec une musique qui ne se fait pas nécessairement tous les jours, qu'on n'entend pas à la radio, en tout cas. Tout ça a participé, évidemment, à l'espèce de... On défonce les murs. On défonce les murs, on défonce le mur du son, pratiquement, c'est le cas de le dire. Et puis, on se trouve aussi à parler de la petite vie avec humour et affection. Ouais. Parce qu'il y a, dans les textes, par exemple, de Yvon Deschamps, le texte d'Yvon Deschamps, c'est pas tant misérabiliste que simplement réaliste. Mm-hmm. Ça raconte quelque chose qui a eu lieu. Et on l'entend, donc on voit le miroir. Ouais. On ne fait pas juste en rire, on l'écoute, on l'entend. Et puis c'est nous. Je reviens à ce que Louise Forestier disait au tout début. Donc on se voit et même si parfois c'est dur, avec fierté, on se reconnaît sur scène. Exactement. Ouais. Et il n'y avait pas tant de choses qui nous permettaient de nous reconnaître. Il y avait eu Gracien Gélinas qui avait fait les Fridolinades, par exemple. Gracien Gélinas qui va être d'ailleurs à la tête de la Comédie canadienne quand il va avoir la reprise de Le Stitch Show. Ils sont tous là en même temps. C'est vraiment incroyable. Comment s'est accueilli ce spectacle? On écoute Paul Buissonneau et Yvon Deschamps au micro de Jean-François Doré à l'émission Café Rimbaud en 1988. Et c'est devenu un phénomène. Et c'est devenu un phénomène extraordinaire au Québec. À cette époque, quand on pense, c'est les années 68, ça révoltait tout le monde. Parce que j'aime mieux te dire que moi, pendant qu'ils jouaient au Stitch Show, j'étais en bas des marches pour refouler le monde. Ils sortaient. Ça sortait au début. Il y avait le public ordinaire de théâtre qui trouvait ça épouvantable. Les micros au bout, le jazz libre qui se faisait aller comme... C'était... Ils comprenaient pas tout, hein. Ils voyaient quelque chose. D'abord, le titre. Ils y allaient, mais... Stitch Show, hein, c'était sacrilège. Alors, ça sortait en foule. Et moi, j'étais obligé de jouer au curé. Mais non, vous allez voir, Yvon Deschamps fait de très bons monologues. Vous allez voir, non, c'est pas, tout n'est pas comme ça. Oh, c'était terrible. Je faisais ma pute en bas pour renvoyer le monde à leur place. Quand on a joué, nous autres, à la Place des Arts, il y avait des jeunes, surtout, je pense que c'était à l'École des Arts Appliqués, je crois quoi, qui avaient acheté des billets au balcon puis qui lançaient des ampoules de peinture parce qu'ils ne prenaient pas. Qu'un show aussi provoquant, tout ça, se retrouve à la Place des Arts, qui était une place de tu sais, pour l'establishment, en fait. Puis bon, alors, ça avait été grave. M. Lamarche hurlait, il courait partout. Plus de rock'n'roll dans mon théâtre. Non. Un spectacle qui passe pas inaperçu, c'est le moins qui qu'on puisse dire. Qui passe pas inaperçu. Cela étant dit, il y a eu des critiques plutôt positives aussi. J'avais fait à un moment donné une recherche sur Claude Gingras qui couvrait à l'époque, non pas la musique classique, mais toutes les musiques, y compris les Lovin, les Sit-in et autres spectacles. Et c'est lui qui avait couvert les trois versions de le Stitch Show. Puis, il avait trouvé ça, il dit quelque chose comme souvent poignant, souvent touchant, hautement professionnel, très inusité. Ça aurait même pu être plus original. Ah bon? Alors donc, quand on relit ce qui s'était dit à l'époque, les gens étaient, certainement le public était très, très secoué. Les gens qui aimaient la musique, qui suivaient ce qui se faisait, l'était un peu moins. Ouais. Et ça marche. C'est-à-dire que c'est un show qui brasse la cage. Je sais ce qu'il voulait faire, mais ça marche. Vous parlez, on entendait Deschamps parler de la représentation, de la série de représentations à la Place des Arts. Il y aura en fait trois versions. Trois versions, c'est ça. En mai-juin 68, il va y avoir celle du 4 sous. Après, à la Comédie canadienne, qui est aujourd'hui le théâtre du Nouveau Monde, en septembre 68, il va y avoir une reprise sous le nom Le Stitch Show King Size. Ça, on continue toujours. Et donc, la fameuse troisième fois, c'est en janvier 1969 à la Place des Arts et ça s'appelle Le Stitch Show meurt. Et c'est là que justement il y a des manifs de spectateurs. Celui-là, moi, je l'aime particulièrement pour une raison et c'est assez visionnaire, encore une fois. Le spectacle se terminait par un extrait du discours I Have a Dream de Martin Luther King. Et donc, on entend à la fin et le spectacle se terminait sur un coup de feu parce que Martin Luther King était mort et c'était assez violent aussi, dire quelqu'un qui a de l'espoir se fait comme ça couper la vie, se fait enlever la vie. On est là aussi. On l'air de rien, ça annonce 70 et les moments plus violents qui vont suivre. Oui, puis c'est dans l'air du temps aussi. L'Amérique tout entière, le monde occidental tout entier est sous le choc. Oui, avec Martin Luther King, mais il y a eu Robert Kennedy. Il y a tout un élan d'espoir qui, tout d'un coup, reçoit une baffe. Oui, exactement. Et donc, le spectacle en témoigne aussi. Ça va changer quoi, ce spectacle-là, pour l'histoire de la chanson, pour les principaux intéressés, pour les têtes d'affiche? Pour les principaux intéressés, c'est certainement leur ticket pour la gloire. Après ça, on les a connus. Quoique, soyons honnêtes, ils ont fait quelques revues après ça, parce que c'est comme ça qu'on appelait les mélanges de sketchs et chansons, qui n'ont pas très bien marché. Il y en a même qui ont été des fiascos, littéralement. Mais ça demeure pour eux une expérience qui va vraiment les mettre sous le projecteur. Ce qui va rester aussi, et il faut quand même aussi en tenir compte, quand le spectacle va partir en tournée, parce qu'ils vont aller en tournée, ça marche un peu moins en dehors des milieux urbains. Ouais. Et ça témoigne, je pense aussi, de ce phénomène, c'est que l'urbanisation est vraiment en marche. Et donc, ce spectacle donne une résonance à ça. C'est la vie des villes dont il est question, pas la vie des champs, la vie des manufactures. Et donc, ça aussi, ça change les choses. Et puis, il y a quelqu'un comme on dit... Il m'a jamais juré que c'était arrivé, mais quelqu'un comme Jean-Pierre Ferland, par exemple, semble-t-il, quand il voit ça, lui qui est chansonnier en bonne et due forme avec un C majuscule... Qui était connu à l'époque. Bien sûr, qui a une carrière, est complètement déboussolé. Il dit, ça y est, je suis fini. Ben, l'histoire veut qu'il se ramasse à l'entracte sur le trottoir. En train de pleurer. En tout cas, Guy Latraverse le raconte comme ça. Et c'est de là que va naître le disque jaune, qui a été lui aussi un électrochoc au Québec en 71. Et d'ailleurs, Michel Robidoux, qui est du spectacle de Le Stitch Show, qui est un guitariste, qui est un arrangeur, un réalisateur, c'est lui qui va faire le disque jaune de Ferland. Donc, encore là, ils sont tous là et puis ils se nourrissent mutuellement. Ouais. Et à partir de là, il va y avoir aussi le disque Lindbergh lui-même, le disque sur lequel on retrouve toutes ses chansons, Egg Generation, Engagement, Lindbergh, California, La Marche du Président, qui, encore à ce jour, à mon avis, est un des meilleurs disques qui a été fait au Québec. Il reste quoi, matériellement, de tout ça? Longtemps, on pensait qu'il ne restait plus rien. Enfin, longtemps, il y a eu l'entrevue avec De Rome. C'est ce qu'on avait, puis quelques photos qui avaient été prises. Et puis, tout d'un coup, en 2003, on a trouvé une première version avec des petits silences et tout, mais on a trouvé une première version audio. Après, on a trouvé une deuxième version dans le fond Yvon Deschamps. Ouais. On a trouvé, donc, on a pu reconstituer comme ça un peu, et c'est là qu'on a vu quelle chanson avait été chantée dans quelle version aussi, et ça nous permet donc d'avoir une idée un peu plus claire et précise à la fois du côté brouillon et du côté chanson de la chose. Et heureusement, donc, il y a une trace tangible qui reste de tout ça. La Bibliothèque et Archives nationales du Québec a mis la main sur tout ça. Et vous pouvez écouter, comme si vous étiez en mai 68, le Stitch Show. Marie-Christine Blais, journaliste culturelle, c'est toujours un immense bonheur de vous recevoir. Merci, Marie-Christine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. La charrue passe dans le ciel et je descends lentement l'escalier rouge et blanc de l'avion.